après Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, mesdames et messieurs, please welcome Roland et Aurel. T'es un con, t'es un gros con, t'es un petit cul, mais t'es un gros con. Cherche la risque et il va manger des lions. T'es t'as un petit cul, mais t'es trop con. Trop con. Ah, c'était bien. Et bip bip, Aurel et Roland. Ah, j'ai trouvé celui qui était pas dans le rythme.